Nos nouvelles entrées sont faites, on en a eu 9, ce qui veut dire qu'on dit au revoir à 9 pièces oui. qu'on appréciait, et c'est une semaine de ménage aujourd'hui. Ouh. On se débarrasse de pas mal de bon stock. C'est vrai. Ouais. Voici Palmer, Rest in Peace. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. T'aurais de la compassion pour les Amérindiens. T'essaierais de faire quelque chose pour l'environnement. Assis tranquille avant soi de l'argent, soit rien. C'est toi l'enfant gâté, c'est pas les étudiants. J'avais dit ça. I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy, crazy for you, for you. Thank you. rubrique des palmarès depuis l'édition du 25 au 31 janvier 2016. La première, c'était Rosie Valant avec Quebec City qui est restée là pendant 8 semaines. Maud Audet s'est rhabillée avec la pièce Dans les nues qui a duré 7 semaines. Les Connards à l'orange ont chanté du Richard Desjardins pendant 7 semaines. Les Revenants sont repartis avec Rien de sain comme un pouce qui a duré 9 semaines. Magical Clouds était là au centre-ville avec leur pièce Downtown pendant 8 semaines. Hey, bravo. The Noble Thieves ont commencé à être trop fendants, fait qu'on les a sacrés dehors. Avec How Can You Think of Love at a Time Like This qui a duré 8 semaines. Mitrick arrête pas de mentir avec Live. Pendant 7 semaines. Kurt Vile est retourné sur le bord de la rue avec Pretty Pin Pin, c'est une joke de prostituée, avec 9 semaines. Et Dilly Dally est resté là pendant 9 semaines avec Purple Rage. Hey, je te dis ça, là, 7, 8 et 9 semaines, c'est des pans de mur. Ouais, ouais, quand même, hein? Ça n'a pas de sens. 9 semaines, c'est super gros pour nous. Donc, on va dire au revoir à nos pièces préférées, certaines là-dedans. Certaines, ouais. Je pense que c'était quoi? Downtown de Magical Clouds, qu'on a vraiment beaucoup aimé là-dedans. Dans les nues. Purple Rage, je pense, ma pièce là-dedans. Purple Rage, moi aussi. Voilà, c'est tout pour Palmarest in Peace. 9 nouvelles pièces. On n'a pas vu de montage au-dessus de 4 minutes depuis les semaines où j'arrêtais pas de skipper les Palmarest in Peace. J'en faisais 2-3 semaines de suite, là. Là, c'était pour la même semaine, une seule semaine, 9 pièces. Une seule semaine, c'est fou quand même. Notre directeur musical n'arrête pas de dire tout le temps « Ah, il n'y a rien à mettre des palmarès » puis il arrive avec 9 nouvelles entrées. 9! Eh oui, que voulez-vous?